La cinquième session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée s'est déroulée le 11 courant au palais des congrès de Mansudae. Y a assisté le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, avec les députés à l'Assemblée populaire suprême. Les cadres des organismes du parti, des forces armées, du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, des secteurs des sciences, enseignement, littérature et arts, santé publique et presse y ont pris part en qualité d'observateurs. Les participants ont décidé l'ordre du jour de la 5e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême. 1. État du travail de l'an 105 du 8 juillet 2016 du cabinet ministériel pour l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale et des tâches de l'an 106 du 8 juillet 2017. 2. Bilan du budget d'État pour l'an 105 du 8 juillet 2016 de la République populaire démocratique de Corée et sur le budget d'État de l'an 106 du 8 juillet 2017. 3. Bilan de la loi sur l'application de l'enseignement obligatoire de 12 années pour tous. 4. Sur les élections de la commission diplomatique de l'Assemblée populaire suprême. 5. Problèmes organisationnels. Dans son rapport sur le premier sujet de l'ordre du jour, le Premier ministre Park Bong-joo a souligné que tous les secteurs de l'économie nationale ont dépassé l'année passée le plan de la valeur globale de la production industrielle pour ouvrir la brèche dans l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale et a fait part des réalisations dans les sciences, enseignement, santé publique et sport. Il a indiqué qu'à travers les efforts de l'année passée, nous avons éprouvé une fois de plus l'éminence de la direction chevronnée du dirigeant suprême Kim Jong-un, la puissance inépuisable des militaires et civils décidés à surmonter tous les obstacles à l'appel du parti, et la foi inébranlable selon laquelle on peut atteindre tous les objectifs et réaliser certainement la stratégie du développement économique avancée par le parti, tant qu'il y a les solides bases de l'économie indépendante et les puissants moyens des sciences et techniques. Il a appelé à livrer dynamiquement cette année la campagne générale de tout le peuple pour auréoler la conférence des pionniers de Malima avec les fiers succès dans le travail sous le mot d'ordre militant du parti, accélérant la progression victorieuse du socialisme grâce à la grande force motrice qu'est la détermination de nous renforcer par nous-mêmes, afin d'ouvrir une perspective sûre de l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale. Le député Ki Kwang-ho, ministre des Finances, a dit dans son rapport sur le deuxième sujet de l'ordre du jour que l'on a accompli l'année dernière à 102,1% le plan de recettes du budget d'État pour enregistrer la croissance de 106,3% par rapport à l'année précédente et à 99,9% le plan d'investissement du budget d'État. Il a précisé que cette année augmentera plus que l'année passée les recettes du budget d'État à 103,1% et l'investissement du budget d'État à 105,4%. Il y a eu ensuite les interventions sur les deux premiers sujets de l'ordre du jour. Les orateurs ont dit que l'on a fait correctement le bilan du travail du cabinet ministériel et de l'état d'exécution du budget d'État de l'année passée, présenté comme il faut les tâches du cabinet ministériel pour ouvrir la perspective de l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale de cette année et élaboré correctement aussi le budget d'État conformément à la réalité avant d'exprimer du soutien absolu. Ils se sont déterminés à progresser, innover et œuvrer toujours sous le mot d'ordre de se renforcer soi-même afin de faire de la conférence des pionniers de Malima un rendez-vous des vainqueurs. Les députés ont adopté la résolution de l'Assemblée populaire suprême du rapport d'activité du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée et de l'approbation du bilan de l'exécution du budget d'État pour l'an 105 du 8 juillet 2016 et la loi de l'Assemblée populaire suprême du budget d'État pour l'an 106 du 8 juillet 2017 de la République populaire démocratique de Corée. Le député Kim Sung-doo, président du comité de l'enseignement et ministre de l'enseignement primaire et secondaire, a dit dans son rapport sur le troisième sujet de l'ordre du jour qu'à la suite de la publication de la loi sur l'application de l'enseignement obligatoire de 12 années pour tous, lors de la sixième session de la 12e législature de l'Assemblée populaire suprême, tenue en septembre 2012, ce travail a été promu dynamiquement au niveau de tout le parti, de tout l'État et de tout le peuple. Il a indiqué que cette mesure a été pratiquée universellement dans toutes les régions de notre République à l'occasion de la nouvelle rentrée du 1er avril dernier. Il y a eu ensuite les interventions. Les orateurs ont appelé à marquer de nouveaux tournants dans l'enseignement obligatoire de 12 années pour tous, conformément à la volonté du parti, considérant l'enseignement comme la plus importante affaire du parti et de l'État. Les députés ont ensuite adopté la résolution de l'Assemblée populaire suprême du bilan de l'exécution de la loi sur l'application de l'enseignement obligatoire de 12 années pour tous. Les participants ont élu la commission diplomatique de l'Assemblée populaire suprême. Le député Lee Soo-young, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, est élu président de la commission diplomatique de l'Assemblée populaire suprême et le vice-premier ministre Lee Yong-nam, le président du comité pour la réunification pacifique de la patrie Lee Sun-gun, la présidente du comité coréen pour les relations culturelles avec l'étranger Kim Jong-soo, le premier vice-ministre des affaires étrangères Kim Kye-kwan, le vice-président du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée Kim Dong-sun et le secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse kimilsuniste Kim Jong-list, Jong Yong-won, membre de la commission. La session a discuté du problème organisationnel. Mandatés par le comité central du Parti du Travail de Corée, les députés Kim Wan-soo et Lee Myung-gil ont été rappelés suivant le changement de leur fonction du poste des membres du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée et la députée Chang Chun-sil, présidente du comité central de l'Union socialiste des femmes de Corée et le député Park Myung-chol, secrétaire général et président du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, sont élus membres du Présidium de l'Assemblée populaire suprême. Suivant la proposition du Premier ministre, Chang Gil-young est nommé ministre de l'Industrie chimique. Suivant le mandat du comité central du Parti du Travail de Corée, le député Chang Byung-gyu a été révoqué de son poste de directeur du parquet central de la République populaire démocratique de Corée et Kim Myung-gil a été nommé à sa place. Le député Chang Byung-gyu a été rappelé de la fonction de membre de la commission législative de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée.